conte de fées en français. Le tueur de bêtes. Il était une fois dans un pays lointain un pauvre potier et sa femme. Le vieil homme travaillait très dur pour faire ses pots. Mais comme les pots étaient très bon marché, il rentrait toujours avec très peu d'argent. Le couple avait eu deux enfants qui étaient déjà grands. Le fils s'appelait Lionel. C'était un jeune homme extrêmement beau, mais il avait peur de la moindre petite chose. Sa sœur Lily était aussi belle qu'un tournesol et était très gentille. Leurs parents les aimaient tous les deux beaucoup. Mes doux enfants, si seulement nous avions un peu plus de chance, vous auriez de meilleures vies. Patience, ma chère. Lily est si douce. Quelque chose de bon viendra certainement sur son chemin. Et pareil pour Lionel. Bien. Lionel ? Mais il a le nom d'un lion, mais le cœur d'un petit chaton peureux. Il n'est pas courageux du tout. Que va-t-on faire de lui ? Oh, mais que va-t-on pouvoir faire de ce pauvre garçon ? Ne t'inquiète pas pour lui. Quand le moment sera venu, il sera le plus courageux de tous. Et tous les autres lions en seront gênés. Tous les autres lions doivent déjà en avoir honte. Un bon jour, Lily était dans les bois, fredonnant aux jolis oiseaux et à tous les animaux. Dans ce même bois se tenait un gentil magicien. Il vit Lily chanter joyeusement et tomba immédiatement amoureux de son incroyable beauté. Oh, quoi de plus charmant que cette belle forêt! Oh, comme c'est beau! Vous, ma belle dame, vous êtes la plus charmante sur laquelle j'ai jamais posé les yeux. Il se présenta à Lily avec une rose et elle tomba amoureuse de ses yeux doux. Lily ramena le magicien chez elle et dit à ses parents qu'elle voulait l'épouser. Il est très gentil et a promis de bien s'occuper de moi. Mais je pars vivre très loin et vous ne pourrez jamais venir nous voir. Ses parents furent stupéfaits par cette nouvelle. Mais lorsqu'ils virent le sourire de leur fille, ils lui donnèrent leur bénédiction. Merci de m'avoir donné Lily. Je promets de la chérir éternellement. Tenez, c'est pour vous, un cadeau d'adieu. Au revoir, père, mère. Au revoir, Lionel. Je reviendrai un jour. Et d'un claquement de doigts, ils disparurent en un instant. La famille était maintenant devenue très riche grâce au cadeau donné par le magicien. Le potier et sa femme étaient maintenant heureux. Mais au fil des jours, sa sœur commença à manquer terriblement à Lionel. Oh, comme Lily me manque! Maintenant, je n'ai personne avec qui me bagarrer. Qu'est-ce que c'est que cette agitation? Il vit des gens se presser autour d'un homme qui vendait quelque chose. Lionel essaya de voir ce que c'était. Ouf! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Seulement des chaussures et une clé? Pourquoi cette foule est si excitée d'acheter deux choses aussi stupides? Hé, mon garçon, ce ne sont pas que des choses. Ce sont des bottes magiques et une clé magique. Vraiment? Mais ça a l'air si ordinaire. Ça ne l'est pas. Les bottes, quand on les porte, emmèneront la personne où elle veut aller. Et la clé ouvrira n'importe quelle porte fermée dans le monde. Alors, je les veux. Je vous les achète. Voilà. Cela suffira-t-il? Mais c'est beaucoup. Lionel mit la clé dans sa poche et enfila les bottes. Maintenant, voyons si ça marche. Bottes magiques, emmenez-moi là où est ma sœur. Et en un éclair, il se trouva debout, juste à côté de sa sœur et du magicien. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Lionel! Lily! Oh Lily! Tu m'as tellement manqué! C'est la chance qui m'a amené à toi. Mais comment êtes-vous arrivé ici? Ces bottes m'ont amené ici. Elles sont magiques. N'est-ce pas merveilleux? Bottes magiques? Je vois. Bien. pourquoi tu ne restes pas avec nous ?»« Non, je suis venu voir si vous étiez heureux. Et aussi, je suis ravi de pouvoir me servir de ces bottes et de voir d'autres endroits. » »« Je ne savais pas que tu tenais tant à moi. » »« Eh bien, je te conseille d'aller au pays des cristaux. J'ai entendu dire que le roi est un homme adorable. Il vous accueillera sans aucun doute. » Oui, cet endroit est en effet magnifique. Vas-y, Lionel, et tu ne regretteras pas d'y être allé. Le pays des cristaux? Ça m'a l'air bien. Tiens, prends cette boule de cristal avec toi. À quoi ça sert? Et comment cela fonctionne-t-il? Tu sauras quand tu en auras vraiment besoin. Lionel leur dit au revoir et alors qu'ils s'apprêtaient à partir... Faites que je sois au pays des cristaux! Et immédiatement, il arriva dans un si beau pays où les maisons étaient ornées de cristaux et de toutes les couleurs. Les hommes et les femmes portaient dans leurs cheveux et sur leurs vêtements des cristaux brillants, étincelants. Waouh! C'est tellement incroyable! Tout ce que je vois est tellement beau! Je ne peux pas m'arrêter de regarder et les gens ici ont l'air tellement heureux. Mais qui ne serait pas heureux d'être entouré par de si belles choses? Maintenant, allons rendre visite au roi. Bot Magic, emmenez-moi auprès du roi des cristaux. Waouh! Suis-je déjà au palais? C'est encore plus incroyable. Maintenant, comment puis-je trouver le... Qui êtes-vous? Le roi de la terre de cristal était assis, prenant son petit déjeuner royal avec sa fille Ruby. Le roi fut très choqué de voir Lionel et le regarda avec incrédulité. « Dites-moi, qui êtes-vous et comment êtes-vous entré dans mon palais ?»« Je suis Lionel, votre majesté. Je possède des bottes magiques et j'ai entendu parler de votre merveilleux royaume. Eh bien maintenant, je suis là. »« Bottes magiques? Comment ça marche ?»« Eh bien, je dois juste dire le nom de l'endroit où je veux aller. » Et voilà, les bottes m'y emmènent. Le roi de cristal fut très intéressé par les bottes. Pourquoi ne pas vous joindre à nous pour le petit déjeuner? Voici ma fille Ruby. En voyant Ruby, le cœur de Lionel fondit, car sa beauté surpassait celle de toutes les autres filles qu'il avait jamais rencontrées. Je suis très honoré. Botte magique, emmenez-moi m'asseoir à côté de Ruby, la princesse de Crystal Land. Oh, elles sont vraiment magiques! Depuis combien de temps êtes-vous dans mon royaume? Je suis ici que depuis quelques minutes. Mais tout ce que j'ai vu pendant ces quelques minutes est le plus que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Les gens d'ici semblent tellement heureux. Moi, je serais aussi heureux qu'eux. Et si seulement je ne vieillissais pas, et que ma fille se mariait? Je n'ai jamais dit que je ne le ferais pas. Je viens de dire que je n'épouserai que l'homme qui réussira à tuer la bête. Bête? Quelle bête? Eh bien, les gens de cette contrée sont en effet heureux. Mais ce n'est que jusqu'au coucher du soleil. Quand le soir arrive, chaque personne doit aller à l'intérieur, car une bête vient tous nous terroriser. Personne ne sait où elle vit et comment s'en débarrasser. Moi, j'épouserai l'homme qui découvrira la solution et qui y parviendra. Maintenant, vous comprenez pourquoi je suis si malheureux. Bête, hein? Et vraiment redoutable? Très redoutable. La simple vue de celle-ci ferait frémir un homme comme une petite souris. Et vous n'épouserez aucun autre type d'homme courageux, même s'il tuait des araignées poilues? Celle que je pourrais tuer avec mon petit doigt? Le pauvre Lionel fut si terrifié par ce que la princesse Ruby avait dit. Mais il était tombé profondément amoureux de sa beauté et voulait gagner son cœur par tous les moyens. Très bien, je vais le faire. Je vais vaincre cette horrible bête. Quoi? Mais c'est impossible! Tu ne m'as pas compris? Mais personne ne sait où se trouve la bête. Je vais le découvrir. Croyez-moi, mon roi, je mettrai fin à ce règne de terreur pour vous. » Ce soir-là, alors que Lionel se préparait à partir, il se demanda comment il allait s'y prendre. « Qu'ai-je fait ? Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire quand je trouverai la bête. Quoi qu'il en soit, je verrai bien, quand j'y arriverai. Je dois être courageux. Botte magique ! Emmenez-moi là où réside la bête !» Et la seconde suivante, Lionel se retrouva debout devant une immense porte au fond de la forêt. Derrière lui se trouvaient de longues et épaisses vignes suspendues à un arbre. Une porte cachée? Pas étonnant que personne n'ait pu trouver son antre. Il essaya d'ouvrir la porte, mais elle était fermée. Cette porte ne bougera pas. Comment pourrais-je faire? Ah, la clé! Et de sa poche, il sortit la clé magique qui ouvrait n'importe quelle porte. Oh, j'espère que ça va marcher. Faites que ça marche! Ça marche! La porte grinça et s'ouvrit lentement sur une entrée sombre. Maintenant, il faut que je rentre dans cette grotte et faire face à la bête. Rien n'effraiera le grand Lio. Ah! Allez, je peux le faire. Alors Lionel prit son courage à deux mains et rentra dans la grotte sombre. Il se glissa discrètement à l'intérieur. Aucun signe de la bête. Peut-être qu'elle est sortie? Et là, il vit la bête dormir profondément. C'était terrifiant à regarder et le ronflement était si fort que tout tremblait dans la grotte. La bête, je l'ai trouvée. Maintenant, je dois trouver un moyen d'en finir avec elle. Lionel s'approcha. Il se penchait un peu plus pour bien l'observer. Le bruit du choc fut si fort qu'il réveilla la puissante bête de son profond sommeil. Elle se réveilla. Lionel avait si peur qu'il ne pouvait plus bouger du tout. Oh! Ouh! Qui es-tu? Comment oses-tu entrer dans ma grotte et perturber mon sommeil? Avec ses énormes griffes, la bête attrapa Lionel et le mit dans une cage géante. Petit humain stupide qui est entré dans ma grotte, comment tu l'as trouvé? Quelle sorcellerie as-tu utilisé? Sois courageux, Lionel, sois fort. Vous voyez, j'ai cette magique balle qui... Je vais voir n'importe quel endroit où je désire. Une boule de cristal magique? Eh bien, ça ne vous servira à rien maintenant que je vous ai capturé. Lionel se demanda comment se libérer. Alors qu'il pensait que tout était fini pour lui, une idée lui vint. Grande bête, comme vous avez l'air puissante, mais êtes-vous aussi forte que vous le prétendez? Je suis juste un voyageur qui était curieux de vous voir. Forte? Je suis la plus forte et la plus puissante qui n'ait jamais existé sur la planète. Personne n'oserait me défier. Vous mentez? Comment quelqu'un peut-il être aussi fort? Sauf si votre pouvoir est faux. Je possède un réel pouvoir. Humain, contrairement à votre fausse boule brillante, mon pouvoir vient de mon cœur que j'ai transformé en cristal et je l'ai caché dans la grotte de cristal de ce pays. Une grotte de cristal? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une grotte pleine d'étranges et magiques éclats de cristaux. Aucun humain ne peut y entrer. Et plus personne de ce royaume n'y va depuis que j'ai commencé à régner. Waouh! Vous êtes vraiment une bête très forte et très courageuse. Hein? Vraiment? Eh bien, assez bavardé. Je dois sortir et chasser maintenant car je suis très, très affamé. Hop! Oh, ne vous inquiétez pas, je vous mangerai plus tard. La bête sortit de la grotte et partit terroriser le peuple du royaume, laissant Lionel très effrayé. Oh, Dieu merci, il est parti. J'en sais assez pour m'échapper. Botte magique, emmenez-moi à la grotte de cristal. Et comme il ouvrit les yeux, il vit qu'il se trouvait dans une belle grotte sombre et profonde, remplie de petits cristaux scintillants. Ils étaient de 1000 couleurs et étaient si beaux que Lionel en oublia presque pourquoi il était venu. Non, je dois me concentrer. Je dois trouver le cœur de la bête rapidement. Mais comment? Il y a tellement de cristaux. Lequel est le cœur de la bête? Soudain, la boule de cristal commença à briller dans ses mains. Il la regarda avec émerveillement. Étrange. Mais ça ne me montre rien de... Ouh! Et comme il regardait les cristaux à travers la boule, l'un d'eux changea de couleur. Cela doit être ça. C'est sûrement ça le cœur de la bête. Je l'ai trouvé. Il prit le cristal et le jeta par terre. Celui-ci tomba et se brisa en 1000 morceaux qui disparurent. Oh! Ouh! Ouh! Ouh! J'ai réussi. Botte magique, ramenez-moi au roi du pays des cristaux. Oh! Oh mon Dieu! Tu me surprends toujours quand je mange. Mon roi, princesse, je l'ai fait. J'ai supprimé la bête. Vraiment? En avez-vous vraiment terminé avec la bête? Oui, votre Altesse. Vous êtes libérée de sa terreur et votre peuple sera maintenant en sécurité. Oh, nous devons maintenant nous réjouir. Merci, mon fils. Mais il reste encore une chose pour me rendre très, très, très heureux. Ruby? Eh bien, il a supprimé la bête et, comme je l'ai promis, je serai heureuse de l'épouser. Et donc, le lendemain, une grande cérémonie eut lieu. Le peuple se réjouit du mariage de la princesse et du courageux tueur de bêtes. Eh bien, princesse, j'ai été courageux, n'est-ce pas? Oh oui, pour tuer une bête aussi effrayante que ça, je suis chanceuse d'avoir un mari aussi courageux que toi. Et je suis heureux d'avoir une telle douce et belle... Ah! Une araignée!